Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Samedi après-midi, soyez les bienvenus en ce samedi 13 février. Bienvenue avec un nouveau classement pour le Flycase, comme tous les samedis entre 16h et 18h. Nouveau classement avec plein de nouveautés, peut-être un nouveau numéro 1. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était DJ Leroy avec I Get Deep. En sera-t-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. Sinon, d'ici 18h, on aura des cadeaux. Bah oui, c'est la Saint-Valentin. Environ 300 euros de cadeaux quand même. On aura l'occasion de vous offrir une box, une invitation. Et puis également une ceinture avec des places du Kinépolis, votre tour de taille. Ça se déroulera d'ici 16h. En attendant, eh bien, un total de 2 entrées et 2 sorties, c'est ce que l'on vous propose. La sortie de Broken Fitch avec Tears. Elle a sorti également des Purple Disco Machine avec Yo. Numéro 20. Allez, on est parti d'attaque tout de suite avec la 20e position. C'est la lanterne en rouge cette semaine. Voici This Is I avec Come See Me. C'est la position numéro 20. Ça perd 4 places. Et puis restez-nous fidèles. Plein de surprises également cet après-midi. Profitez bien du soleil surtout. Call back.

jusqu'à la dernière goutte. C'est vachement beau ce titre. Numéro 19, ça persiste à mon avis, c'est la dernière semaine également. Hein. C'est à vous de voter Facebook Flycase pour redresser la situation. 6 places au moins pour Unotus avec Hush. Et pointé numéro 20, ça perd 4 places cette semaine. This is I avec le titre Come See Me. Et puis on vous en avait parlé, eh bien nous allons jouer tout de suite avec l'invitation pour vous offrir cette box qui vous offre plein de réductions de moins 20, moins 30 et du 1 plus 1 également pour les restos, pour les hôtels, etc. etc. Plusieurs centaines de partenaires. C'est maintenant 03 20 83 57 57. 03 20 83 57 57. Allez-y pendant 5 minutes. On fait un petit tirage au sort juste après. Les 20 titres qui te font bouger. C'est Flycase, numéro 18. font bouger. Fly Case. Numéro 16. Ce titre, c'est complètement déjanté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on adore. Un polyester avec Catherine, à numéro 16, ça perd 5 places, 2 places de mieux. Pour les positions numéro 17, juste pour avant, Me and My Tooth Bros avec Gold Member, avec un petit sample bien sympathique de Scissor Sledge. Numéro 18, c'est une reprise également. Rappelez-vous de Boy Is Mine avec Monica, entre autres Ben Daly. C'est un remix de Mark Lower, c'est pointé numéro 18. Et ça perd une petite place. Et il y a quelques instants, eh bien, nous avions une box, l'invitation à vous offrir. Eh bien, c'est Grégory qui a gagné. Il a 39 ans, il habite en Bersard. Greg, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie, Greg? Je suis agent de sécurité mobile. Voilà, et tu écoutais Galaxy et tu étais sur ton lieu de travail. C'est ça que tu m'as dit, en fait. Je suis dans la voiture, parce que je suis toujours en voiture. D'accord, tu es dans la voiture. Dis-moi, donc, qu'est-ce que tu prévois de beau pour ce soir, par exemple? Est-ce que tu bosses encore ou est-ce que tu sors? Non, est-ce que... repos total. Ce soir, rien de spécial de prévu. Donc, tu vas écouter Galaxy, évidemment. Dis-moi pourquoi tu écoutes Galaxy. Bah, pour de la bonne musique, hein, la bonne house, hein, et ainsi de suite. Hein. Et ça fait longtemps? Bah, depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire, plus ou moins? Ouais, ça fait au moins 15 ans, facile. Eh ouais, la bonne période également. Voilà, donc tu repars avec la box, l'invitation, avec des centaines de réductions, le code promo, donc ce sera à venir retirer ici à la radio. Ça va, ok? Ça marche, nickel, merci. Allez, bon après-midi, ciao. Merci, et bon courage. Bon courage pour le boulot également. Tout de suite, on va s'écouter une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Le groupe s'appelle Big It's Everything. Le titre Big Disc, c'est maintenant. C'est une proposition et c'est à vous de voter sur Facebook, Flycase, bien évidemment. On vous souhaite une très bonne après-midi. On a un petit peu de temps également. Le nouveau Clone Dance Rock, ce sera juste après en proposition également. We'll be right back. Galaxy. Vous êtes ce que vous écoutez. Rise to the top. I got to make it to the top. I keep on looking and stop. Pushing. Flycase et les 20 titres incontournables, un son avec Lucas de Bonheur, c'était Keep This Party Rocking, pas de changement par rapport à la semaine dernière, numéro 14 et numéro 15 juste auparavant. Trois places du mieux pour Eddie Amador, c'est nouveau, ça s'appelle Rise et c'est un remix Robosonic. Et puis attention, on a encore des cadeaux à vous offrir tout de suite. Il y a une soirée ce soir qui s'appelle la Fancy Fair. C'est un rendez-vous à ne pas manquer avec une salle années 70 avec Bruno Vanguard et DJ Master Bad Funk. Également la salle années 80 à 90, Stéphane Barthes et Ferlin. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Évidemment, on vous attend les 4 premiers, 03 20 83 57 57. C'est au Hall de la Filature, ça se trouve à Saint-André-les-Lilles. Allez-y, on vous attend. Les 20 titres indispensables sur Galaxy, numéro 13.

galaxie, on ne vous dira pas qu'on est mieux que les autres. On ne les écoute pas. Il est bon ce titre, c'est vrai qu'ils nous ont habitués également à cartonner dans ce classement du Flakeys, notamment Rick Noir et Haze. Là c'est Noir and George, ça s'appelle Keep Up et c'est une proposition d'entrée pour les semaines prochaines. Et puis attention, bonne nouvelle également, dans la prochaine heure, on vous l'a dit, c'est la Saint-Valentin, il y a plein de cadeaux à vous offrir et gros cadeau, un gros cadeau dans la prochaine heure, puisqu'on aura l'occasion de vous offrir un tour de taille Kinépolis, c'est-à-dire une quinzaine de places Kinépolis en un coup, une valeur de plus ou moins 200 euros, donc ce sera tout à l'heure. Restez-nous fidèles évidemment. Flakeys numéro 20. Allez, on y va, voici le récapitulatif. Si vous avez manqué cette première heure, numéro 20 cette semaine, 4 places de moins pour This Is High avec Comme Si. Numéro 19. Ça perd 6 places cette semaine, numéro 19. C'est classé déjà depuis un bon nombre de semaines, donc c'est un petit peu logique quelque part, même si c'est magnifique ce titre You Not Us avec Hush. Numéro 18, Ben Dele de Boy Is Main, le remix de Mark Lover, ça perd une place. Numéro 17. Numéro 17, Me and My Tooth Bros avec Goldmember, le sample de Scissor Sledge et Frankie Smith. Numéro 17, ça gagne 2 places. Numéro 16. Charlie Esther, tout à fait déjanté ce titre Katharina, numéro 16. Ça perd 5 places cette semaine. Hein. Numéro 15. Et 3 places de mieux pour un titre qui était entré la semaine dernière, numéro 18, Eddie Amador avec Raise, le remix Robosonic. Numéro 14. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Lucas de Bonner. Keep this party rocking, numéro 14. Numéro 13. Numéro 13, ça gagne 2 places. Sully Fodera et Yasmine avec Feeling You. Sûrement non plus par rapport à la semaine dernière pour la 12e position pour Alex Nofer et Etienne de Crécy, un ex numéro 1 de Sofla Kays avec Smile. Numéro 11. Deux entrées cette semaine, la première est positionnée numéro 11, c'est le nouveau Clapton, ça s'appelle Only Thing et c'est le remix de Tuban Burger. Numéro 10. Allez, on est parti tout de suite avec les 10 premiers sous classement. Numéro 10, ça perd 2 places pour Duke Damon avec Ocean Drive. Et puis je vous rappelle, dans 10 minutes, l'occasion pour vous de repartir avec un tour de taille Kinépolis. Grand rendez-vous hein, dans 10 minutes. Sur Galaxy, numéro 9. searching for that missing part. You can reach and you can understand. Oh, we're looking for the light. Oh, we're looking for the sign. Oh, we're looking for the light. Oh, we're looking for the sign. Titre incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la 9ème position à l'instant. Fred Everything avec Churching, le remix de D-Tron, ça perd 3 places. Et numéro 10 juste auparavant, c'était Duke Demon avec le titre Ocean Drive. Et puis on vous l'avait promis, bien, ça y est, c'est la Saint-Valentin, vous le savez, on a des tours de Taïkinépolis. Et oui, plus ou moins 15 places à vous offrir. D'un coup, c'est maintenant 03 20 83 57 57. Un chouette cadeau, une valeur de plus ou moins 200 euros pour aller voir le film de votre choix, les films de votre choix, jusque fin de l'année. Donc il y a une bonne durée de validité. Allez-y, c'est maintenant, durant 5 minutes, vous nous appelez, on fait un petit tirage au sort. 03 20 83 57 57. Pour te faire bouger. Numéro 8. Standing at the Jetman Ball, yeah.

nobody go know. No be anybody in business. And everything you see, and everything you teach, everything you shot, and anybody you do. Everybody's business. My own business. Not to make my business. I need to expose myself to the public. Everybody could know. Everybody can know. Maybe everybody in business. Maybe everybody in business. Maybe everybody in business. Maybe everybody in business. Flycase et les 20 titres incontournables à l'instant avec la position numéro 6, ex numéro 1 de ce Flycase également. C'était Télé Sosimi à Flobit avec Too Much Information, le remix de Laoulou. Et bien, quelques instants, et bien, vous aviez un cadeau, il y a pas mal de monde qui en veut, hein, un cadeau de plus ou moins 200€, 15 places pour le Kinépolis. Vous avez été nombreux à nous appeler, évidemment. On a fait une petite sélection et il s'agit de Charles qui nous appelle, le nouveau Charles. Salut. Ouais, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, entre deux plaques de placo, tout va bien. Entre deux plaques de placo, tu es technicien, c'est ça que tu m'as dit, hein, 35 ouais, ans. Tout à fait, ouais. Et tu habites Mouveau. Tout à fait. Allez, qu'est-ce que tu prévois de beau ce soir pour les Saint-Valentin? Ah bah ce soir, rien de très spécial, on reçoit des amis, tu vois, donc ouais, voilà. Tranquille. Tranquille, quoi. Ouais. C'est l'occasion peut-être de les emmener au Kinépolis, pourquoi pas, il y a 15 places qui t'attendent là. Eh, pourquoi pas, effectivement, c'est l'occasion, tout à fait. Je peux te dire qu'il y a eu des jaloux au côté standard. Il y en a qui ont essayé de faire un petit peu de charme également pour qu'on les sélectionne. Mais ça marche pas tout le temps. Hein. Voilà, donc Charles, pourquoi t'écoutes Galaxy? Ça fait longtemps, toi, ou je sais pas? Ah oui, ça fait un petit moment, moi. J'écoute Galaxy depuis, ça fait 10 ans à peu près que j'écoute Galaxy déjà. Mais tu me parlais de boîte, je sais plus lesquelles. Je parlais de l'âge de dos. Voilà, à l'époque, je chantais à l'âge de dos, ouais, tout à fait. Quand c'était encore ouvert et que c'était la bonne époque de l'âge de dos. Oui, parce que maintenant c'est fermé, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Pourquoi t'écoutes Galaxy, toi? J'écoute Galaxy parce que j'aime bien votre son, qu'il n'y a pas trop de pubs et que franchement vous passez des super sons qui sont vraiment sympas et que ça change de toutes les autres radios. Eh ben voilà. Allez, on te souhaite une bonne après-midi, bonne Saint-Valentin également. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. On adore ce titre. C'est à vous de voter, ça s'appelle Love Birds avec National. Okay. numéro 5. Flygaze, nouveauté.

toujours aussi excellent. Hein. Petite découverte Galaxy, l'instant c'était Relaxes et Abrao avec Sabor numéro 2. Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. Numéro 10, deux places au moins pour Duke Demon avec Ocean Drive. Numéro 9, ça perd 3 places cette semaine, Fred Everything avec Churching, c'est le remix de D-Tron. Numéro 8, ça perd 3 places cette semaine, c'est mal barré pour eux également. Hein. C'est à vous de relancer la situation Facebook, Flakes, Covary avec Oh Shall I Rise. Il y a Florent qui rigole, on écoutera son accent tout à l'heure. Hein. Numéro 7. L'accent des ch'tis avec Too Much Information. Daily Social Media Information numéro 6, ça perd 2 places. Ah, c'est le remix de Laoulou. Numéro 6. Ça, c'est l'accent. Oui, en plus, je me suis trompé numéro, c'était Ramon Tapia juste avant avec Yellow Submarine. Arrête de me perturber. Numéro 5, c'était la meilleure entrée pour cette semaine, Garshon Jackson avec Take It Easy. C'est le remix de Sonny Fodera et Mike Joe. Numéro 4. Numéro 4, on adore ce titre, c'est une reprise, un vieux titre des années 70, Time, Jane Forrest. Ça gagne 3 places, numéro 4. Numéro 3, c'était numéro 1 également, le titre de Written et Calo avec Rinse and Repeat, numéro 3. Numéro 2. Et enfin, numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, c'était Relaxes et Abrao avec Sabor, ça gagne une place. Galaxy. Flycase. Numéro 1. Naturellement, par rapport à la semaine dernière, c'est le numéro 1. DJ Leroy et Roland Clark avec I Get Deep, le remix de Late Night Tough Guy Remix. Rien que ça. Avec l'exercice, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. I get deeper, deeper, deeper into the vibe. Chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out, I'm not dancing no more, but why, what, how on earth are you supposed to vibe around the fake ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck, what? I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare up in the booth at the dread man spinning the song, spinning it strong, playing things like when can our house begin? That's my shit. What? Ooh. But when people start to disappear, and it's about 6 o'clock, ooh, I'm feeling hot. Took off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face, and I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Ooh, I get deep. I get deep when he takes all the bass out the song, and all you hear is highs, and it's like, oh, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk, and I'm falling all over the place. But I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet. I get deep. C'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h, bien évidemment, samedi. C'est la bonne nouveauté, hein. Facebook Flycase, on attend toutes vos propositions. Et puis, évidemment, on fera une petite sélection. C'est Florent que vous allez retrouver dans un tout petit instant. Et ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Ouais, ça fait depuis le mois de novembre. Il a des cernes sous les yeux, il est papa. Ça change la vie. Ouais. Ça change la vie, plus d'émissions, tout ça. Donc là, je remplace Matt, qui se fait une bonne Saint-Valentin d'ailleurs, tiens. Ouais, voilà, il en profite. Bah oui, il en profite. Donc je remplace, en tant qu'affaire, moi, la Saint-Valentin, c'est fini. Hein, je suis papa maintenant. Je plaisante, ma chérie, évidemment. Saint-Valentin, c'est terminé. Bon, en tout cas, Matt, s'il est déjà à Saint-Valentin à 18h, ça promet, hein, pour le restant de la soirée. Florent, avec plein de nouveautés, c'est jusqu'à 20h. Et puis attention, des cadeaux également. Oui, il y aura des coffrets, il y aura des places aussi pour différentes soirées. Donc bref, restez bien à l'écoute. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est du direct, donc on aura du bon son et des cadeaux. Donc restez bien à l'écoute. Voilà, vous aurez l'occasion de m'entendre, donc c'est du direct. Quelques blancs à la clé. Je plaisante, évidemment. 18h. En moitié. Ouais. This is a test of the emergency techno funk system.